Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin, couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs, une belle gloire d'artiste et de conteur, emportée. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan. Suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons. Mais pas une main amie. Et où puiser le secours?